Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Julien Leroulou. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast, il est encore et toujours soutenu par la NEF. C'est une coopérative bancaire éthique qui existe depuis 35 ans. Vous écoutez le podcast depuis longtemps, donc j'imagine que vous l'avez déjà entendu, mais je vous le redis. Ça veut dire qu'une banque éthique, elle collecte de l'épargne auprès des particuliers et grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. Vous allez voir, ça a un sens puisque aujourd'hui, on est notamment chez une des personnes, une entreprise qui a été financée par la NEF. Donc pour moi, c'est vraiment la banque des 2030 glorieuses et elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses 47 000 et plus sociétaires et favorise leur implication. Éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, qu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise et qu'elle ne finance que des projets engagés. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a permis d'interviewer aujourd'hui Julien Leroulou, le fondateur des cycles Victoire et Distance. Et je suis très heureux de te donner la parole aujourd'hui, Julien. Ensemble, on va parler de réindustrialisation de la France, de mobilité durable, d'aventure de proximité et de plein d'autres choses. Mais pour commencer l'échange, Julien, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de chaque podcast. Tu as un événement où tu croises la route de pas mal d'inconnus, arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds en général? C'est une bonne question. Je te vois lever les yeux vers le ciel, là, ça y est. Je réponds que je suis fabricant de cycles. Ouais, très bien. Tout simplement. Parce que quand on va sur LinkedIn, en général, tu sais, on est toujours fondateur d'un truc, cofondateur d'un truc et tout, et, ou encore pire, avec toute une terminologie anglaise. Et j'essaie de redonner les lettres de noblesse des missions auxquelles contribuent les gens que j'interviewe dans le podcast 2030 Glorieuse. Donc, en 2030 Glorieuse, on a besoin de fabricantes et de fabricants de cycles, et c'est ce que tu fais. Exactement. Et en France. Et en France, puisqu'on est à Clermont-Ferrand. Enfin, en tout cas, on est à la périphérie de Clermont-Ferrand. On en reparlera. Avant que tu me racontes Victoire puis Distance, j'aimerais bien, moi, comprendre comment on en vient à être fabricant de cycles. J'ai pas l'impression que dans l'imaginaire des enfants, on se dise immédiatement, tiens, je vais être fabricant de cycles, comme on se dit, ayant des enfants en bas âge actuellement, bah tiens, je vais être pompier ou policier. Oui, alors effectivement, c'était pas une volonté dès le départ et ça a été une suite d'aventures dans mon chemin scolaire puis tout petit peu passé par le salariat, mais c'est pas quelque chose qui était prévu à l'avance en fait. Mon objectif, c'était de travailler dans le vélo puisque j'ai eu très tôt cette fascination pour cet objet qui est à la fois très simple et qui permet de faire des choses très grandes. Et voilà, j'ai toujours aimé le vélo, j'ai toujours fait du vélo, différentes formes de vélo, mais c'est on peut dire que c'est un fil rouge dans ma vie. Et donc, naturellement, j'ai fait des études tournées vers la mécanique, mais ne sachant pas vraiment là où j'allais aller, puisque je n'avais pas un horizon clair. Et le fait de faire ces études dans la mécanique m'ont permis de creuser la piste de la conception de pièces de vélo. J'ai ensuite, pendant un temps, travaillé comme, on va dire, chef produit. Je faisais la conception de pièces de vélo pour une marque européenne, mais qui faisait fabriquer à Taïwan. Et de faire ça pendant 4 ans, ça m'a interpellé de me dire, mais pourquoi on est obligé de traverser le monde entier pour aller voir des gens au demeurant fort sympathiques et extrêmement compétents, hein. J'ai beaucoup aimé mon expérience à Taïwan et le problème de fabriquer là-bas n'était pas un problème de qualité, mais c'était juste de me dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi on est obligé de prendre l'avion 4 fois par an pour aller voir des pièces déjà fabriquées, pour ensuite les refaire venir en France et les vendre à cet endroit-là? Pourquoi j'irais pas voir une entreprise de mécanique au coin de la rue qui puisse me faire la même chose? Et ça a été le départ de l'idée du... Sauf que l'entreprise de mécanique au coin de la rue, on l'a plus, notamment sur la question des vélos. On est à Beaumont, dans la périphérie de Clermont-Ferrand. Et là, sur la table, la grande table en bois nous accueille ce matin, il y a le bottin du cycle 47-48 que tu m'as sorti et qui donne 70 ans en arrière les centaines, voire les milliers d'entreprises qui travaillaient dans le milieu de la bicyclette, on disait comme ça à l'époque, en France, partout en France. Et là, au hasard, je tombe sur ma fac, moi, que je connais bien parce que j'ai démonté, remonté, essayé de régler leurs freins une quantité d'heures qui sont innombrables désormais, parce que c'était surtout les vieux vélos à l'époque, et moi je savais même pas que c'était Clermontois, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut pas se dire, bah oui bien sûr je me vois tout à fait travailler dans cette entreprise de cycles ou de bicyclettes, parce que en fait on les a plus qui croisent notre regard. Alors effectivement, par rapport aux années 30-40, il y a quasiment plus personne. Il y a aussi une point d'optimisme, c'est qu'il y a plus de fabricants de cycles et de pièces de cycles en France maintenant qu'il y a 10 ans. Donc le creux de la vague, ça a été fin 90, début 2000, où là, toute l'ancienne génération est partie à la retraite, a arrêté, et puis y a eu un trou. Alors ça, peut-être qu'on pourra évoquer des pistes de pourquoi il y a eu ce trou à ce moment-là. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui essaient de fabriquer en France, mais c'est vrai que ça reste extrêmement minoritaire. Donc, quand j'ai commencé, effectivement, le principal problème qui s'est posé à moi, c'est que l'industrie en France n'est désormais plus organisée en produits, mais organisée en compétences. Et ça, c'est quelque chose qui complexifie énormément la mise au point d'un produit complet. C'est-à-dire que quand on va à Taïwan, si on veut fabriquer un cadre, on va aller voir un fabricant de cadre, on peut lui faire un dessin sur une serviette en allant manger avec lui à midi, et 3 mois après, on a un prototype emballé avec une notice. Voilà. Le fabricant de cadre va gérer l'intégralité de toutes les étapes de production. Le marquage, l'emballage, il sait tout faire. En France, on est spécialisé par process. Donc, pour faire un cadre, on va faire appel à tout un tas de sous-traitants, en fait. On va faire appel à quelqu'un qui va souder le cadre, mais après, il va falloir faire appel à quelqu'un qui va peindre le cadre, ou même sur des pièces d'usinage, si on prend par exemple une potence. On va avoir jusqu'à 10, 15 sous-traitants tout réunis pour avoir le produit final. Et ça, en fait, c'est extrêmement chronophage et énergivore. Et ça fait que c'est compliqué de faire appel à ce réseau de sous-traitants, puisqu'on se retrouve à gérer du transport de marchandises d'un sous-traitant à l'autre. Et au final, on ne fabrique pas. Donc, moi, j'ai commencé à faire Victoire en voulant faire fabriquer des pièces, parce que de par mon éducation qui est la même que tout le monde en France, je n'avais aucun savoir-faire, je ne me sentais pas la capacité de fabriquer, donc je suis allé voir des gens qui semblaient savoir fabriquer, et je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué de les faire travailler ensemble pour arriver à faire un produit qu'ils ne savaient pas faire. On pourrait parler des heures du Made in France, on pourrait parler des heures de la réindustrialisation. Je vais quand même te poser quelques questions là-dessus, mais je profite juste de ce petit moment pour te dire que il y a, au tout début du podcast, j'avais donné la parole à Florian Chausson qui avait tenté de ramener en France l'horlogerie, tout le savoir-faire de la France qui était basé dans le Jura à l'époque, qui avait été complètement délocalisé, internationalisé, en disant moi je veux refaire une montre qui soit 100% made in France. Il s'était cassé les dents, son entreprise n'avait pas réussi, alors qu'à un moment l'Elip et compagnie, c'était des marques qu'on connaissait très bien à l'époque de mes grands-parents. À l'époque de mes grands-parents d'ailleurs, le Peugeot, on allait le chercher à Sochaux. Mon vélo là sur lequel je suis venu te voir, un Ginet, il était fabriqué à Estrablin, tout était déjà là. Et toi tu t'es dit en 2011, victoire, je veux tout ramener à un même endroit et faire des vélos au même endroit. C'est ça que tu t'es dit, avec l'engouement du Made in France à l'époque qui venait encourager ton envie, ou en fait c'était vraiment l'idée de recentrer, de remettre au même endroit l'entièreté d'un processus de fabrication? L'objectif pour moi, c'était de produire pour avoir le contrôle de mon innovation. C'est un mot un peu fort, mais voilà, de protéger un peu mes idées, puisque à Taïwan, c'est compliqué, puisqu'il y a un nombre réduit d'entreprises qui fabriquent pour la grosse majorité des concurrents. Donc, je voulais avoir le contrôle sur la fabrication pour gagner en autonomie, gagner en contrôle sur ce que je fais, et surtout... faire quelque chose de logique, parce que pour moi je trouvais pas ça logique de d'aller traverser le monde entier pour fabriquer une pièce. S'il y a un problème sur une pièce, comment on la gère? Il faut prendre l'avion, faire de 14 heures de vol, revenir dans ce... je voulais avoir tout au même endroit, et m'apercevant que je ne pouvais pas faire appel à tout un réseau de sous-traitants pour faire ces pièces, j'ai commencé à fabriquer moi-même. Donc ça a été ça le fondement. Mais ça a mis un an et demi à arriver, entre le départ entre la création de l'entreprise, enfin la création de l'idée, la création de l'entreprise, et le moment où on a vraiment commencé à fabriquer. La sortie du premier vélo. Parce que l'idée de départ, j'ai buté sur l'incapacité du tissu industriel français à me proposer quelque chose de concurrentiel, d'efficace, parce que il y avait plus savoir-faire. En fait, les gens... C'est souvent ce que les gens partagent au début. Il y a presque un travail d'enquêteur qui est fait pour retrouver les gens, retrouver les entreprises, retrouver les expertises, retrouver les bons savoir-faire, avec la qualité aussi qui parfois est un peu cachée par un bon marketing, et qui peut en réalité, au bout de quelques semaines, quelques mois, montrer que la pièce n'est pas forcément celle qu'on cherche. Il y a un travail d'enquêteur, et dans mon cas, l'enquête a été assez vite terminée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les compétences en France, ou du moins... pas à proximité, et donc les premières années de l'expérience Victoire ont été consacrées à recréer un savoir-faire, en fait, parce que il a fallu aller chercher des informations sur Internet, aux États-Unis, en Angleterre, où l'artisanat a toujours existé, au contraire de la France, mais ça a été de la recréation, de l'apprentissage par l'erreur, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pourquoi je te donne la parole? Parce que moi aussi, le vélo, il a une place centrale dans ma vie. Donc, c'est une curiosité bien placée que de venir voir l'atelier, venir voir vos vélos. Et à la fois, dans ma projection des 2030 glorieuses, la mobilité, forcément, est revenue à une échelle beaucoup plus humaine. Et donc, le vélo est dans toutes nos villes et dans toutes nos vies. On en reparlera largement. Ce qui veut dire qu'il faut des gens qui fabriquent ces vélos. Pas que d'ailleurs, et on en reparlera. Moi, je suis assez curieux de savoir aussi jusqu'à quel point on n'a pas déjà une flotte existante qu'on pourrait largement utiliser. Ma question quand même, c'est pourquoi vous avez décidé justement de faire prendre un peu le contre-pied du marché du vélo classique, de la surenchère technologique, de l'allègement à tout prix, de l'électrification, pour proposer des vélos qui, quand on le lit sur votre site internet et quand on les voit dans l'atelier ou dans la vraie vie, sont, on pourrait le qualifier de intemporel, presque classique, j'allais dire. Pourquoi vouloir... est-ce que c'était une envie de porter la durabilité jusqu'au bout, de faire en sorte que ces vélos, on ait le goût de les monter dans 10, 20, 30 ans? C'est en fait ce qui est le plus facile, le plus réparable. Au niveau du contre-pied, au-delà du fait de fabriquer, qui est déjà un contre-pied, le principal qu'on a mis en place ici, c'est de fabriquer une fois qu'on a vendu, et non pas fabriquer en espérant vendre. Et ça, c'est un des fondements de ce qu'on fait. Et c'est extrêmement à contre-courant de la société. Mais c'est une manière d'assurer une qualité, d'assurer une longévité dans le produit et surtout de vendre exactement ce dont le client a besoin. Et malheureusement, actuellement, la société est pourrie jusqu'à la moelle par des produits qui sont fabriqués en espérant être vendus, qui ne trouvent pas forcément leur public, qui sont stockés dans des hangars, donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, et qui finissent par être bradés pour pouvoir être évacués parce qu'il y a d'autres pièces qui arrivent derrière. Pour nous, c'est totalement différent. On va aller voir une personne intéressée par nos produits va venir nous voir et on va lui fabriquer exactement ce dont elle a besoin. Donc vu que c'est exactement ce dont elle a besoin, elle a beaucoup plus de chances de garder son vélo longtemps. Et nous, quand on vend vélo, on communique sur l'objectif de 20-25 ans de durée de vie du vélo dans la configuration qu'on a vendue. Alors, c'est un objectif, hein, c'est pas atteignable tout le temps, mais on va tout faire pour concevoir le vélo pour qu'il soit durable, qu'il puisse être entretenu facilement au fur et à mesure des années. Et on va questionner énormément le client, c'est pour ça que nos délais sont longs aussi, pour savoir ce dont il a vraiment besoin. Il se trouve qu'il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait et que ça leur plaisait, qui ont une idée du produit, mais qui n'est pas forcément la bonne sur ce dont ils ont réellement besoin. Donc on a tout un travail aussi d'accompagnement pour faire en sorte qu'au final, ils se retrouvent sur un vélo qui corresponde à leurs attentes et qu'ils puissent utiliser longtemps. C'est peut-être pas le meilleur moyen de gagner de l'argent, mais au moins ça procure une sérénité dans l'accomplissement de la création de ces vélos. Et voilà, on sait qu'on va avoir peu de vélos qui vont être sur le marché de l'occasion et que les propriétaires vont les garder longtemps. Et ça, ça fait partie des missions qu'on essaie de... Donc pas créer des besoins inutiles, pas même mettre en branle tout un marketing pour créer des nouveaux besoins, donc vraiment répondre à des besoins qui parfois n'étaient pas vraiment même identifiés. Et puis ensuite des vélos qui, comme je le disais, sont quand même en général assez épurés, durables, réparables. Alors l'effet de mode, la mode pour moi c'est un gros mot, c'est quelque chose... C'est influer l'esprit des gens pour leur vendre des choses à un moment, à un instant T, pour que à T plus 1, on puisse leur vendre autre chose. Donc, nous, tout l'esthétique des vélos qu'on fabrique est orientée vers la mise en avant du geste de fabrication et une certaine sobriété pour justement sortir de ces aspects de mode. Alors, ça arrive qu'on fasse un vélo rouge au moment où le vélo rouge est à la mode, mais on essaie d'avoir des produits qui sortent des tendances et qui s'inscrivent vraiment dans une démarche de longévité pour que le vélo, on puisse le trouver beau 10, 20, 30, 40, 50 ans après. Tout à l'heure, je disais que j'aimais le vélo parce que c'est un produit durable. Moi, dans la construction du projet, il m'est arrivé de tomber sur des documentations de vélos des années 30-40 avec des niveaux de finition, des niveaux de détail et une esthétique qui font que ce vélo-là, il reste toujours magnifique et qu'on a envie de le posséder alors qu'il a été fait il y a quasiment 100 ans. Et alors, c'est ce qu'on essaie humblement de faire avec notre production. On a parlé de durabilité. Là, Julien, j'ai l'impression que vous avez poussé la démarche quand même assez loin, puisque au-delà, tu le disais, de ne pas créer des besoins inutiles, de bien sourcer les matériaux, etc., etc., de faire que ça soit le plus durable possible. J'ai l'impression aussi même que vous êtes allé jusqu'à être client de structures comme Enercop, comme la Nef. C'est un engagement quand même qui va bien au-delà du vélo en tant que tel. Hein. Alors, il y a une certaine forme de logique, mais il y a aussi une certaine forme de facilité. Si je prends l'exemple de la Nef, je me suis retrouvé directement avec des interlocuteurs qui comprenaient ce que je faisais, qui comprenaient mes besoins. Et ce discours que j'ai réussi à passer chez eux, je n'arrive pas forcément à le faire passer dans une grande banque nationale. Donc, même quand on nous dit réindustrialiser la France, choose France et compagnie. Oui, mais quand on nous dit ça, c'est un bel effet d'annonce, mais qui ne concerne que les plus gros. Il y a le plan vélo qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est ouvert à toute entreprise En France, de toute taille, c'est bien marqué dans le premier texte. Et puis, si on lit le deuxième paragraphe, c'est un million d'euros d'investissement minimum pour avoir accès au financement. De facto, on élimine les TPE. Et c'est par les TPE que l'avenir doit... C'est par les TPE que l'avenir va se passer, donc va se jouer. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est juste donner encore plus d'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup et de faire des entreprises qui ont... Et donc la NEF, elle comprenait en fait. Et la NEF, voilà, ça a été très facile, entre guillemets. Enfin, ouais, il faut défendre son dossier, mais au moins on avait un interlocuteur qui, même en étant à Lyon, se déplaçait, est venu dans l'atelier, alors que des fois les banques nationales, mais qui ont des antennes locales, ne viennent pas. Et ça a été facile. Pour Enercop, nous, il se trouve qu'on a conçu notre atelier avec un très faible besoin en énergie. Donc là, tout de suite, on peut se permettre d'utiliser une électricité verte parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Mais on se rend compte aussi que bah là, la facture a baissé d'une année sur l'autre. En fait, on ne paye pas cher d'électricité. Le jour où vous fabriquerez vos propres tubes en acier, ça ne sera pas la même, c'est ça que tu dis? Je ne sais pas, peut-être. Là, c'est un autre métier, donc ça fait appel à de l'industrie, ce n'est pas des choses qu'on peut faire, mais on peut se le permettre, donc on le fait parce que ça a du sens et on ne se pose même pas la question. Moi, je n'irai pas me dire, tiens, je vais passer du temps à essayer de négocier un autre fournisseur d'énergie pour gratter 5 euros, alors que ben, là, au moins, on sait que l'électricité qu'on utilise, elle vient du bon endroit. On a, en 2023, et le chiffre avait baissé un peu, hein, plus de 2 200 000 vélos qui ont été vendus. Vous, Victoire et Distance, c'est pas 2 200 000 vélos, hein, on est d'accord. C'est à peine quelques dizaines. C'est environ une centaine par an. Donc là, l'année dernière, ouais, on en a fait un peu plus de 100. Actuellement, on est un peu en avance sur l'année dernière sur les prévisions. Après, ça dépend vraiment du type de vélo qu'on fait à l'instant T, parce qu'on a des deltas assez importants sur le temps de fabrication suivant le type de modèle. Je comprends bien la recherche du savoir-faire, de la bonne pratique, mais j'ai besoin que tu m'aides à mettre un peu le curseur entre élitisme. Parce que des fois, on voit passer le prix de certains vélos sur mesure qui dépassent les 15 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, et frugalité. Parce que tu le dis, tu veux répondre qu'à des besoins réels. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, le fait d'avoir les deux marques et le fait d'avoir un savoir-faire assez large, bah ça nous permet à la fois de répondre aux deux demandes. Nous, on fait jamais des vélos luxueux dans le sens... Enfin, j'ai un peu de mal avec le terme luxe parce que c'est associé à une futilité ouais, qui n'est pas présent dans notre production. Tout à l'heure, on a fait un tour à l'atelier. Tu as pu voir le vélo que Greg est en train de terminer. Ce vélo-là, c'est peut-être le record de facturation qu'on a eu sur un vélo Victoire. On est presque à 20 000 euros, mais d'un autre côté... Greg a passé quasiment 2 mois sur la fabrication de tous les éléments qui sont faits chez nous, à savoir le cadre, la fourche, la potence, les porte-bagages. Donc ça c'est un premier point. Et d'un autre côté, ce vélo coûte cher aussi parce que le client qui, bon là en l'occurrence est un Allemand, a voulu un maximum de pièces sourcées en Europe. Donc on a un vélo qui est 100% fabriqué en Europe avec des composants haut de gamme. Mais ça va rester un vélo qui va pas être luxueux parce que c'est un vélo qui va utiliser tous les jours. Il va faire des voyages, il va l'utiliser au quotidien. Et c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Donc on arrive à traiter ça. Et en fait, ça a été plus facile de traiter le haut du tableau dans un premier temps parce que le fait d'aller voir des clients comme ça, ça nous permet d'avoir un budget temps qui nous permet d'aller creuser. Et en fait, c'est la difficulté, c'est de faire des vélos moins chers. Parce que si on veut garder la qualité, on est obligé de trouver des astuces, d'optimiser le process. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par Victoire, pour consolider un savoir-faire, pour après ensuite l'optimiser et descendre la gamme de prix vers le bas. Forcément, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais derrière, tu as un vélo qui s'appelle le Distance Croix-Morand, qui est notre entrée de gamme chez Victoire. Et là, on commence le vélo complet à 2 500 euros. Donc, on arrive, nous, à faire ce grand écart parce qu'on maîtrise notre savoir-faire et parce qu'on fait tout à la maison. Et on touche les deux limites. Après, tout de suite, on est dans l'incapacité de faire moins cher que 2 500 €. Mais à ce prix-là, on arrive presque à être concurrentiel en termes de prix avec certaines productions taïwanaises. Mais justement, je voulais, pour la dernière question, là, pour l'instant, on est en 2024, donc on peut encore se permettre de poser des questions sur ces sujets-là. J'ai l'impression que vous êtes quand même un peu au nœud de la redéfinition des valeurs. Parce que combien ça vaut un vrai vélo qui va nous accompagner pendant 20, 25 ans, tu le disais, voire plus. Combien ça vaut de réancrer, reterritorialiser l'artisanat? Combien ça vaut d'avoir un moyen de transport qui soit sourcé en Europe, fabriqué par des gens à côté de chez soi? Quelle est ta position, toi, sur cette nécessité de redonner de la valeur à ce qu'il y en a vraiment, que ce soit les savoir-faire, les hommes et les femmes derrière les produits qu'on utilise au quotidien et les objets qui nous facilitent la vie et dont on a vraiment besoin? Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à ces sujets? Oui, c'est des réflexions qui sont continues. Alors, il est vrai que tu as mis le doigt sur un point qui est très important, c'est qu'on a perdu la valeur des choses. Et voilà, le fait d'acheter des vélos qui sont bradés directement produits, on a perdu ce regard sur le savoir-faire qui est nécessaire et l'implication des gens qui ont fabriqué le vélo. Donc nous, quand on vend des vélos avec ces tarifs-là, ça peut paraître extrêmement cher, mais ça veut dire que derrière, il y a une dizaine de personnes qui ne gagnent pas beaucoup plus que le SMIC. Donc ça permet de faire vivre des familles, mais c'est pas des familles qui vont vivre, qui vont rouler sur l'or. Donc, par définition, ces vélos seraient pas extrêmement chers. L'avantage de ce qu'on fait, c'est que on va injecter, enfin, dans le cas d'un acheteur, il va donner son argent directement à des gens qu'il peut rencontrer, côtoyer et discuter avec, voilà. Alors que quand on achète un vélo fait à l'autre bout du monde dans des conditions passables, on ne sait pas où va son argent. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il faut arriver à éduquer les gens sur le partage de prix. En fait, quand on a un vélo qui coûte une certaine somme d'argent, où va ce budget et qu'est-ce qu'on met où on attribue le budget et dans quel secteur. Nous, on n'a pas les moyens de faire du marketing, on n'a pas les moyens de faire des publicités sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et on en est content parce que pour nous, ça n'ajoute pas de la valeur ajoutée à l'objet. Donc on préfère passer du temps sur la fabrication plutôt que d'investir de l'argent pour faire vendre quelque chose qui n'a pas forcément de valeur. Et donc vous travaillez sur d'autres valeurs qui sont elles intangibles, impalpables et donc parfois assez fugaces parce que c'est la fierté de venir faire son travail pour développer des savoir-faire, reterritorialiser des pratiques qui existaient ici ou pas très loin il y a des dizaines d'années. C'est aussi la valeur de la beauté d'un bel objet. Quand on le voit, on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'arriverait presque pas à qualifier. C'est d'autres valeurs en fait, qui tournent autour de votre activité. Et qui sont, nous le pensons, certainement beaucoup plus gratifiantes. Il y a l'accomplissement de l'objet. Fabriquer quelque chose de ses propres mains, c'est une notion qui s'est perdue, mais qui est extrêmement gratifiante et importante. Donc déjà, nous, on a cette joie de fabriquer un objet qu'après, on peut utiliser. Je leur dis, mais c'est quelque chose qui s'est perdu et ça change tout. Et après, il y a le contact humain qu'on va avoir avec le client parce que de par notre mode de fabrication, il y a une proximité directe avec le client. Et on a le droit à des moments extrêmement forts, comme la semaine dernière, on a livré un vélo à un client. Alors, il se trouve que moi, j'étais parti travailler à l'atelier, j'étais pas sur le lieu de livraison, et le client a fait la démarche de venir nous voir avec son vélo. Et ben, il avait les larmes aux yeux, il a attendu son vélo 2 ans, ça peut paraître complètement fou. Mais d'un autre côté, pour lui, c'était le début d'une aventure avec son vélo qui allait durer très très longtemps. Et le fait de venir rencontrer les gens qui ont fabriqué, de découvrir tous les détails qu'on avait mis, toute l'énergie qu'on avait mis dans son vélo, Et ben lui, il était le plus heureux. Et nous, c'est ce qui donne énormément de sens à notre métier. C'est pour ça qu'on fait ça. Je pense que quand on vend un objet qu'on n'a pas fabriqué, qu'on le vend sur un site internet sans avoir de contact avec la personne, ben au final, c'est des interactions avec des machines qui ne sont pas spécialement enrichissantes. Nous, c'est tout l'inverse. En tout cas, je suis très content de pouvoir faire en sorte que d'autres qui nous écouteront puissent développer leur imaginaire de « Tiens, en fait, ce métier-là, il est possible. Et j'ai pas besoin d'être un défricheur. Je peux aussi suivre la tendance de personnes comme toi, Julien, qui se sont dit « Mais en fait, moi, je veux être fabricant de vélos et je veux être fabricant de cycles, comme tu le disais en introduction. » Et ça existait et ça réexistera. Et je pense que ce que tu montres par l'exemple, c'est fort. Et on a besoin de ce catalogue des métiers durables, solidaires, créatifs qui vont nous donner le goût de travailler à cette société que moi j'appelle la société des 2030 glorieuses. On marque une pause parce qu'on va aller la raconter, cette société des 2030 glorieuses, Julien, dans un instant si tu le veux bien. Et on a toujours une respiration qui est proposée par l'invité avec une lecture d'un petit passage qui porte des valeurs que tu as envie de voir se déployer en 2030 glorieuses. Qu'est-ce que tu vas nous lire? J'ai choisi un livre qui est extrêmement particulier parce que c'est une sorte de roman graphique qui a été créé par Elsa Lacote et qui a été fabriqué à la main. Donc elle a fait 100 exemplaires de son livre. Et moi, je suis assez fasciné par l'énergie qui a été déployée pour créer cet objet qui est à la fois magnifique, très poétique et qui est rempli de gravures absolument fantastiques. Au-delà de ça, ce livre raconte le quotidien de batelier dans la ville dans laquelle je suis né, qui est Pont-du-Château à côté de Clermont-Ferrand. Alors voilà, moi je suis né à Pont-du-Château, j'ai jamais vu de bateau sur l'Allier parce que c'est quelque chose qui a été oublié et en fait ce livre m'a permis de me rendre compte qu'avant il y avait des choses qui étaient faites dans cette ville, il y avait une énergie, il y avait des activités qui n'existent plus et qui étaient certainement plus simples, plus saines. Et j'aimerais que par exemple mon fils puisse revenir à ce genre d'occupation de ces journées comme le passage que je vais lire. Donc voilà, c'est à la fois un objet extrêmement intéressant avec un contenu intéressant que je pense qu'il sera très difficile pour vous de trouver parce qu'il a été fait que 100 exemplaires dans la main. Mais voilà, si Elsa Lacote, c'est une autrice et une artiste assez fantastique, je trouve. Et j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce livre. Donc, je vais vous lire ça. Et si jamais vous la croisez en Auvergne dans une exposition, n'hésitez pas à aller la rencontrer. Fin du mois de juin, Jacques Renard vit au monde dans un petit village de Haute-Loire. Comme ses parents et les générations qui l'avaient précédé, il allait passer sa vie ici, devenir paysan ou pêcheur. Quoique, depuis quelque temps, les hommes avaient tendance à partir à Brassac pour travailler dans la mine. Jacques passa son enfance en bord d'Allier. L'étude finie, il s'élançait avec ses amis à travers les rues du village pour rejoindre la rivière. Il pêchait, ramassait des écrevisses, élevait des têtards, qui fendaient les barrières et s'échappaient dès qu'ils avaient suffisamment grandi. Un jour, Marius et Jacques découvrirent que le maire du village avait oublié d'emporter les rames de son canot neuf. C'était l'occasion rêvée pour explorer d'autres contrées. Ils se donnèrent rendez-vous le soir, même à 10h. Jacques subtilisa de la nourriture dans la cuisine et reprit deux fois de la soupe pour économiser le repas du lendemain. Il ajouta aux victuailles son petit canif qu'il tenait de son grand-père. Il se glissa dans des couvertures, habillé avec la musette autour du cou. Il avait du mal à rester éveillé, il se pinçait les cuisses, tirait sur ses yeux, tournait sans fin dans son lit. Enfin, il entendit les 10 coups de la cloche, il ferma alors doucement la porte de la maison et s'enfuit dans les ruelles sombres. En arrivant au rendez-vous, il ne vit personne. « Mince !» se dit-il. « Marius m'a lâché. » Il était déçu parce qu'il comptait sur son ami. Il attendit plus d'une heure, puis il se décida et dénoua le cordage. Lorsqu'un cri lui fit tenir la corde en un réflexe. Marius courait vers lui, l'air endormi. « Excuse-moi, mais mon père est allé voir un copain et je devais attendre qu'il revienne. Purée, il tardait. » Marius tenait les rames pendant que Jacques jetait la corde loin. D'un seul coup, la barque s'ébroua et s'élança dans le courant vif. Jacques tomba à la renverse sur Marius qui, écrasé sous son poids, lâcha les rames. Les garçons ne pouvaient plus la diriger et la regardaient, impuissant, foncer dans le torrent. Merci Julien pour cette lecture. On va en reparler bien sûr parce que appartenir à un territoire, parce que voir l'aventure juste à côté de chez toi, c'est des choses qui sont éminemment évidentes en 2030 Glorieuse. On est donc, hein, je le répète, là, ça y est, peut-être que tu l'as senti, on est passé en 2030 Glorieuse. Les 2030 Glorieuses, c'est pas cuicu les petits oiseaux, tout est réglé. Mais on a enfin, nous, en tant qu'humanité, décidé de se responsabiliser, de se mettre à la hauteur des enjeux. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà réussi à faire, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont à régler, avec forcément un emballement climatique, encore l'effondrement de la biodiversité, plein de chantiers qui sont forcément devant nous. Et à la fois, on sent qu'on fait du mieux qu'on peut. On le fait avec envie, on le fait avec enthousiasme, on le fait avec joie, on le fait avec gravité, mais aussi avec légèreté. Et ça fait un bien fou de se sentir vivant dans cette période. Nous, les 2030 Glorieuses, elles vont exister que dans notre conversation. Cet exercice de commencer nos phrases par « et si » plutôt que par « oui mais », je sais qu'elle n'est pas évidente, mais on va s'y atteler pendant une quinzaine de minutes. Et donc, on va essayer de le faire avec des détails, des exemples, du concret, pour que les personnes qui nous écoutent, qui sont restées en 2024, elles puissent vraiment sentir ces 2030 Glorieuses. On était à l'époque, en 2024, tu t'en souviens, au-dessus de votre atelier des cycles victoire et distance, à une époque où la mondialisation menait bon train. Et là, moi, ma première question que je te pose, c'est si tu regardes par la fenêtre, je ne sais pas si tu es dans l'atelier des vélos ou par la fenêtre de chez toi, mais qu'est-ce que tu vois en 2030 Glorieuse ? Alors, je vois un tournant dans la façon d'entreprendre et dans la façon de créer des entreprises en montant des entreprises plus petites et beaucoup plus présente sur le territoire. L'erreur, je pense, en 2024, c'était de penser l'entreprise comme une immense société installée à l'extérieur d'une ville qui nécessite de prendre sa voiture pour aller travailler, donc qui nécessite de créer des routes, qui nécessite de créer des infrastructures, qui force les gens à gaspiller leur temps dans des embouteillages pour aller travailler dans une entreprise lourde, peu mobile, peu adaptable au changement. C'est quoi ? C'est l'artisanat qui a repris ses lettres de noblesse alors ? Alors, l'artisanat, oui, il y a toujours une définition floue de ce terme en France où on a l'image qui a été un peu ternie de l'artisan. Alors que c'est censé être un inverse. On a reterritorialisé, mais vraiment à échelle très très humaine, hein, nos besoins. Et forcément, quand on parle de besoins, on parle des besoins de mobilité avec le vélo qui est aujourd'hui devenu un allié évident. On a tous un vélo dans nos vies. Exactement, on a tous un vélo. Et justement, il faut. Le vélo, c'est un mode de transport local. Donc il faut aussi se permettre de l'entretenir localement et de le fabriquer localement. Donc moi, à partir du moment où il y a un fabricant de vélos dans chaque ville, je me sens mieux. Ça n'empêchera pas d'aller chercher un vélo à Strasbourg parce qu'on a envie de découvrir un savoir-faire particulier où on a rencontré lors d'un voyage cette personne qui peut fabriquer. Mais pour la personne qui ne sait pas, il peut descendre dans la rue et au coin de la rue, trouver un atelier qui va lui permettre de réparer le vélo de son grand-père ou qui va lui permettre de commander un nouveau vélo qui va correspondre à ce besoin. Et pour moi, c'est important de se réancrer localement. Si le lieu de travail est plus proche de son lieu de vie, on vit beaucoup mieux. Ça, c'est un des gros problèmes d'avant. Donc, il faut réussir à réimplanter des ateliers plus près, des lieux de fabrication plus près des lieux de vie. Et c'est beaucoup plus facile de le faire si on voit les choses pas en grand, mais plutôt à taille humaine. Donc mettre une immense entreprise au sein d'une ville, c'était pas possible. Et donc c'est mettre un atelier, c'est faisable. Ces ateliers, en plus, ils permettent d'adapter le vélo aussi au moment de nos vies. Parce que à un moment, le vélo, c'est pour le week-end. À un moment, le vélo, c'est pour tous les jours pour aller au boulot. À un moment, c'est pour les enfants. À un moment, c'est pour partir à l'aventure. Et donc, il y a cette adaptation un peu du vélo qui change, qui parfois doit être remplacé, qui peut être loué, prêté. On a différents vélos qui nous accompagnent en fonction des priorités du quotidien. On a différents vélos. On peut faire évoluer son vélo. C'est aussi l'avantage de faire des vélos en métal comme on les fait nous, c'est-à-dire qu'on peut facilement intervenir sur la structure, on peut les réparer, mais on peut aussi les faire évoluer. Et c'est ça qui est extrêmement important. Alors, nous, c'est pas forcément des choses qu'on fait, mais je sais que j'ai des confrères qui traitent souvent le sujet de prendre un vieux vélo et de le réactualiser ou de le restaurer et de le remettre en état et que le vélo reparte pour des dizaines d'années, c'est ça qui est important. Et plus on aura d'acteurs locaux, plus on pourra les toucher à toute cette matière première qui est dans les caves, qui est dans les maisons des gens et qui des fois dort alors qu'elle pourrait être utilisée. Et c'est ça aussi qui nous a permis de retoucher le goût du savoir-faire, le goût de l'artisan avec lequel on échange, le goût de la technique, le goût du beau aussi, puisqu'en fait en général ce sont des vélos qui ont un truc en plus, et puis le goût aussi de l'aventure, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a 10-15 ans en arrière, c'est pas si loin que ça, le comble de l'aventure c'était de poser ses fesses sur le fauteuil d'un avion et de partir à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, le comble de l'aventure, c'est de mettre ses fesses sur la selle d'un vélo et de voir ce qui se passe parfois à quelques coups de pédale de chez soi. L'aventure, elle commence au coin de la rue. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour aller s'enfermer dans un hôtel préfabriqué qui ressemble à n'importe quel autre hôtel à l'autre bout du monde, alors qu'à côté de chez nous, on a des choses à découvrir. C'était le cas avant, on s'apercevait que les gens avaient envie d'aller voir loin, mais ils connaissaient pas ce qu'il y avait autour de chez eux. On a la chance d'être en France avec une variété de paysages absolument fantastiques et aussi une accessibilité. Et ça, c'est ce que j'aime dans le vélo, c'est que, en fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais avec un vélo, n'importe qui peut faire 30 km. Et une fois que tu as fait 30 km, en un mois, tu peux faire 50. Et si tu as fait 50, eh ben tu peux faire 100 km parce que c'est deux fois 50. Tu fais 50 le matin, 50 l'après-midi. Et une fois que tu as fait 100, eh ben tout est accessible. Et si tu as fait 4 ou 5 fois 100 km, ben tu peux faire 200. Et 200, ben tu vas être Clermont à Lyon dans la journée. Et en fait, au lieu de prendre la voiture et de se payer tous les bouchons à l'entrée de Lyon, tu vas passer une journée à voyager, mais tu vas traverser le Forez, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues, tu vas rencontrer des gens et tu vas arriver à la fin et tu auras vécu quelque chose d'autrement plus intéressant que de passer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures dans une voiture. Et voilà, le vélo permet ça, permet de rajouter de l'intérêt à des choses qu'on pensait être des corvées. Et philosophiquement, le fait d'avoir aussi eu plus ses fesses sur la selle d'un vélo, ça nous a presque permis aussi de se rendre compte à quel point on est beaucoup plus vivant dans l'inconfort. La société d'avant, c'était vraiment le confort à tout prix. On faisait glisser notre doigt sur un morceau de verre pour se faire livrer jusqu'à notre nourriture qui aurait pu être à 2 minutes en bas de chez soi. Dans le vélo, il y a quand même... il y a de l'effort, il y a de la vibration, il y a du froid, il y a de la pluie, il y a plein de choses qui, en fait, quand on les réapprivoise, quand on se réconfronte à elles, nous font nous sentir vraiment vivants. Comment t'expliquer ce changement presque philosophique sur cette réappropriation du bonheur par le goût de l'effort, par le goût de la frugalité, par le goût de ce que représente le vélo dans son essence la plus pure, en fait. Le vélo et l'aventure à vélo, pour moi, c'est un recalibrage. C'est-à-dire que ça permet de se rendre compte qu'on s'embarrasse de choses inutiles et ça permet de retrouver le bonheur dans des choses très simples. Il y a des choses qui m'interpellent, comme par exemple, tout de suite, il pleut. Pour moi, la pluie, c'est pas du mauvais temps. Et faire un voyage quand il pleut, ben, ça te permet de voir les choses autrement. Oui, c'est les Suédois qui disent ça, non ? Qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Oui, c'est un proverbe que j'entends et que j'emploie souvent, mais c'est vrai en fait, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait un voyage à vélo, je suis allé à Montpellier en vélo, les deux premiers jours c'était sous la pluie, et ouais, les gens qui m'ont dit « Oh là, mais ça ne devait pas être marrant », ben si. Bon, on est mouillé, mais... comme tu l'as justement fait remarquer, avec des bons vêtements, on n'est pas tant mouillé que ça. Et puis en fait, la pluie, c'est pas gênant. C'est gênant en termes de société. Si tu arrives tout mouillé à un rendez-vous, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas être confortable. Ok, mais quand tu es sur ton vélo et que t'as pas ce genre de problématique devant toi, t'es mouillé, puis c'est pas grave. Et puis tu avances, et bah, la pluie, ça te permet de voir des paysages autrement, de découvrir des choses autrement. C'est, ouais, c'est un recalibrage. Et le fait de faire du vélo ou de faire un voyage à vélo, ça va permettre de se rendre compte que bah, pff, on n'a pas forcément de besoin de regarder une série en streaming sur Internet le soir, parce qu'en fait, le bonheur va venir de la vue qu'on a en rentrant dans sa tente le soir, ou d'un endroit qu'on va découvrir, ou des fois la nourriture qui manque sur le voyage à vélo fait que bon, on apprécie beaucoup plus le repas à la fin de la journée. Mais le bon repas de fin de journée, c'est clair. Ouais, moi je sais qu'après un voyage à vélo, je me sens recalibré. C'est on enlève la pollution de tout ce qui est finalement indispensable aux yeux de la société moderne, mais totalement inutile. Alors là, on fait un exercice pour l'instant qui est facile, puisqu'on parle de l'extérieur, on parle de la société, on parle de plein de choses. Ça va être un peu plus difficile, puisqu'on va parler de toi, on va parler de ton entreprise. À l'époque, vous étiez vraiment des défricheurs. Victoire, puis ensuite distance. Il y avait vraiment cette idée d'éclairer à nouveau, de retrouver, de redénicher, de renormaliser. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a des entreprises qui fabriquent des vélos dans chaque grande ville, plusieurs fois, parfois, dans les grandes villes. Et donc, quel est votre rôle en 2030, 35, 40 glorieuses comment, si vous en avez envie, vous continuez à vous différencier ou à éclairer ou à défricher ? Le premier rôle, c'est la transmission de ce qu'on a recréé. C'est la transmission du savoir-faire. Et en fait, sans ça... on va reproduire la même boucle et on va retomber dans une situation où on n'est plus maître de ce qu'on produit. Et en fait, dans les différentes étapes de la vie de Victoire, il y a d'abord eu cette recréation du savoir-faire, après il y a eu une optimisation, mais en fait, on s'était aperçu assez rapidement que sans transmission de savoir-faire, on butait. On ne pouvait pas, nous, évoluer, mais on ne pouvait surtout pas faire évoluer la société. Donc vous avez créé des écoles, des masterclass, On a créé plus que ça, une formation longue durée pour former des cadreurs, former à ce métier que certains pourront penser désuet, mais qui est d'usiner, de souder, de poncer, voilà, d'avoir les doigts sales, mais de produire un objet. Et en fait, l'intérêt pour la formation a été complètement démesuré. La première année, pour 10 places, on avait 150 candidatures. La deuxième année, on avait à nouveau 10 places. Et puis ben là, c'était 300 candidatures. Et les demandes continuent d'affluer. Donc les gens ont envie de ça. Et ça, c'est une des clés. C'est d'arriver à la fois à montrer aux gens qu'on peut faire autre chose que de bosser dans le tertiaire. Que faire de l'artisanat, fabriquer, c'est pas un gros mot, ça peut être extrêmement valorisant. Et donc de donner envie, puis aussi après d'accompagner. Parce qu'en France, il y a un peu cette notion de « je sais faire, donc je vais absolument pas le montrer parce qu'on va me piquer mon idée », mais ça, c'est la mort assurée en fait. Parce que si on garde... Oui, il y a beaucoup plus de coopération aujourd'hui entre les entreprises, on est d'accord. Et c'est ce sur quoi il faut tendre. Et ça a été, je pense, un des problèmes de la première vague des artisans du cycle en France, qui a été au sommet dans les années 30-40, un peu bouleversé par la guerre. Et puis après, le modèle qui a été reconstruit a été largement entaché par l'apparition des cyclomoteurs, etc. Donc voilà, il y a eu des hauts et des bas. Et puis tout est parti vers la fabrication asiatique. Mais tout est parti vers la fabrication asiatique parce que chaque cadreur était dans son coin avec son ego et sa production et ne travaillait pas avec les autres. Et donc forcément, les gens sont devenus de plus en plus vieux, de plus en plus aigris, de plus en plus renfermés. Ils n'ont pas su s'ouvrir aux autres. Et peut-être que les rares jeunes qui avaient envie d'apprendre, ils n'ont pas pu auprès de ces personnes-là. Et la facilité l'a emporté. Et ça a été la fabrication asiatique. Donc les artisans du cycle, ils se sont même carrément opposés à la compétition. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à s'opposer à la compétition qu'on voyait parce que le vélo en France, il était représenté par le Tour de France avec les équipes qui, je sais pas si tu te souviens à l'époque, étaient toutes financées par des grands groupes pétroliers. Donc les artisans du cycle français se sont opposés à ça. Ils ont monté un contre-Tour de France, slow Tour de France. Est-ce qu'il y a eu aussi, tu vois, ce jeu un peu de lobbying pour montrer à quel point la coopération a été une norme? C'est compliqué d'avoir accès aux infos et on n'a que des hypothèses, mais on voit que voilà, au fur et à mesure, on perd en acteurs. Et pour moi, c'est principalement dû au fait du manque de renouvellement d'énergie par l'apport de jeunes. Et le fait de garder son savoir-faire, on empêche des nouvelles énergies de venir. Et dans des métiers comme ça qui sont passionnants, prenants, et donc des fois fatigant, le risque c'est de s'enfermer dans sa bulle et de pas évoluer alors qu'il y a des choses qui évoluent à côté, bonnes comme mauvaises. Mais nous, ce qu'on essaie vraiment de mettre en place, c'est cette coopération en fait. Et on s'aperçoit qu'on en sort grandi parce que des fois on peut avoir un problème, il y en a un autre qui a trouvé la solution, et à l'inverse, eux, ils ont des solutions à apporter à d'autres personnes. Et le fait d'échanger, voilà, tout le monde en sort grandi. Toi, Julien, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Tu as accepté le poste de ministre de la mobilité douce, tu es chargé de coopération dans toute la filière du cycle. Au contraire, tu continues à travailler pour les entreprises que tu avais participé à créer il y a une dizaine d'années en arrière? C'est une excellente question. C'est toujours la plus difficile, je sais. C'est une excellente question. Non, j'avoue avoir de l'intérêt vers la diffusion des idées et le dialogue et la mise en place d'actions qui permettent à la société d'évoluer. Mais de là à dire que c'est de la politique, je ne sais pas. Et j'ai quand même un attrait très fort envers le produit. De couper complètement. Donc je pense que ça serait compliqué pour moi de lâcher le produit, mais ça restera une question floue qu'on pourra te reposer d'ici quelques années. On parle de ces 2030 glorieuses, donc reterritorialiser l'aventure, c'est du quotidien. On ressent à nouveau dans notre chair la sobriété, la libération, la légèreté du vélo. Si jamais on doit revenir en 2024, les personnes qui nous écoutent et qui nous disent « mais moi j'ai envie de voir cette France, j'ai envie d'avoir cette vie », tu leur conseilles quoi comme pas supplémentaire pour accélérer la création de cette société? On doit commencer par quelque chose, on doit continuer par quelque chose, on doit faire quelque chose. C'est quoi maintenant, tout de suite, sans attendre, pour les personnes qui vont terminer le podcast là? Alors, la première façon c'est de soutenir ça, c'est de réfléchir et de se renseigner sur sa façon de consommer et de bien... Alors, de diminuer ses achats, mais aussi d'orienter les essentiels. De voir certaines choses non plus comme un coût, mais comme un vrai investissement, d'une certaine manière. Voilà. Alors, c'est sûr que ça peut paraître compliqué d'acheter un vélo à 3000 euros, mais si ce vélo à 3000 euros, au final, on le garde 20 ans, et qu'après, on le transmet à son fils ou à sa fille. Et qui remplace un peu la voiture et l'assurance en moins et l'essence. Dilué dans le temps, l'impact est quasiment nul. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui achètent des vélos chez nous qui, avec un budget qui pourrait paraître totalement démesuré par rapport à leur train de vie, mais en fait, ce vélo, il sert tous les jours, il remplace la voiture, et en fait, les économies faites en termes de plus d'essence à acheter, de coûts de transport. Donc on considère le temps long aussi, j'ai l'impression, au moment d'acheter, là où d'habitude on pense l'ultra court terme. En fait, la pulsion de l'achat n'amène que des mauvaises choses, puisque y a des gens qui ont compris qu'ils arrivaient à appuyer sur des boutons qui font qu'on achète un peu de façon impulsive, mais ça, on n'en ressort jamais quelque chose de bon. Donc nous, on freine volontairement l'achat dans notre process pour que les gens prennent le temps de réfléchir à l'intérêt. Comme ça, quand ils achètent, ils sont sûrs. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui achète de façon compulsive un produit dont il n'a pas besoin. Parce que j'aurais travaillé pour rien, parce que le vélo va être vendu derrière. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Puis la personne aura perdu son temps et son argent. Donc, prendre le temps, c'est à contre-courant de ce qu'on nous dit de faire, mais c'est vraiment salutaire à mon avis. Et si jamais on devait suggérer quelque chose à ces personnes qui se sont toujours dit « Ah, mais voyager à vélo, vivre un peu cette aventure à vélo, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts. » Toi, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui t'a donné le goût? Qu'est-ce qui t'a permis de passer le pas? Alors, moi, j'ai toujours fait du vélo. J'ai toujours eu cet attrait. Donc, le vélo ayant toujours été un plaisir, ça n'a jamais été une difficulté. Mais il est vrai qu'il y a plein de gens qui voient le déplacement à vélo comme quelque chose de fatigant, alors que ça ne l'est pas. Et ce n'est pas parce que tu vas faire 5 km de vélo que tu vas arriver transpirant dans un état. Alors peut-être qu'il y aura une période d'acclimatation, mais tu vas vite tendre vers une facilité de déplacement qui va changer le quotidien, autant sur les trajets du quotidien que le voyage. Et le voyage, en fait, la chose qui est importante, c'est de ne pas se mettre des étapes trop grandes. Alors, il y a toujours des excès dans la société de maintenant. Donc, en ce moment, dans le vélo, c'est l'ultra distance, donc qui peut être quelque chose de très intéressant. Mais là, on voit des gens qui se mettent à faire d'un coup 4000 km de vélo en moins de 15 jours avec très peu d'expérience. Ça fait peur. Quand on voit qu'il y a des gens qui font ça, on se dit « Ah là là, mais moi, je suis incapable de faire ça ». Non. Un voyage à vélo, ça peut être 3 fois 20 km sur 3 jours. Et puis, il vaut mieux commencer et se dire « Ah ben en fait, j'aurais pu en faire plus que de freiner ». Faut prendre son temps, faut y aller doucement et faut surtout le faire pour soi et pas pour les autres. Parce qu'en le faisant pour les autres, en se disant « Bah tiens, je vais faire un voyage à vélo, comme ça je vais tout mettre sur Instagram, ça va être super ». Là, c'est pas pour les bonnes raisons et on risque d'arriver à une situation où ben, on n'est pas satisfait. Alors que si on le fait pour soi, ça sera très facile de prévoir, de savoir où on veut aller et les étapes seront calibré comme il faut et ça se passera bien. Merci Julien. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !